Que o anhamba me pai qu'on est condupelois. Chamcho, semcho, rimboche, maske, spanaske, skewa, nyamba, metpai, qu'on est condupelois. Ok. Chamcho, semcho, rimboche, maske, spanaske, skewa, nyamba, metpai. On est rondo Maike, check it out.